président Bandakani avant de repartir vers Luc Michel, qui est cité dans cet article. On va donc entrer dans le cœur de l'article lui-même, parce que ce qui est choquant dans cette affaire, et comme vous l'avez dit, c'est que la photo qui est prise, qui est mise à l'écran, qui présente le président directeur général d'Afrique Média avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, c'est une capture d'écran. Et les et ceux qui écrivent arrivent à le dire. D'abord, premièrement, je voudrais dire quelque chose de manière fondamentale. C'est-à-dire que c'est une capture d'écran parce qu'ils ont suivi justement Afrique Média, c'est-à-dire ils attestent qu'ils ont suivi Afrique Média. Quand vous lisez l'article, oui. allons pas à pas. Regardez le titre. Oui. Enquête sur les mercenaires de Pau. Vous avez vu, c'est pas vous qui avez écrit. Hein. Tout à fait. Ils ont fait une conférence de rédaction. Oui. Ils ont réfléchi. Ils ont dit que voici le titre qu'on va choisir. Bon, quand vous prenez le titre là, vous ouvrez maintenant à l'intérieur. Arrêtons, revenons-nous, comme c'est, vous parlez de la déconstruction journalistique ou de la compréhension. Oui. Le titre a quand même une vocation. C'est-à-dire que la titraille, c'est l'essentiel. Ouais. C'est l'essentiel, c'est la quintessence. Ouais. C'est le générique de ce qu'on va trouver à l'intérieur d'un journaliste en termes d'un média, d'un journal, d'un média, d'une émission, en termes de développement. Tout à fait. Donc le titre concentre, n'est-ce pas, en lui, ce qu'on va développer à l'intérieur. Naturellement. Oui. Dans un journal sérieux, donc, il y a une cohérence entre le titre et ce qu'on va développer à l'intérieur. Regardons donc cette cohérence à l'intérieur. Lorsque vous voyez à l'intérieur, vous avez ça. Si notre technicien peut mettre le dossier, le titre du dossier à l'intérieur du journal, s'il peut le faire, ça serait extraordinaire. Oui. S'il peut le faire. Très bien, mais ils sont des génies, ces gars. Lisez maintenant, dans les coulisses du soft power. C'est vous qui avez écrit. C'est pas moi. Voilà donc le meilleur journal. Non, non. Voilà, parce que moi, quand nous s'assoit ici, les gens doivent faire attention. Les gens doivent faire attention parce qu'avant d'attaquer Afrique Média, il faut s'assurer que vous avez le niveau de tenir. Tout à fait. Je vous dis, voilà le meilleur. Ça, c'est aussi une vérité. Voilà le plus grand journal de l'Afrique, d'après, n'est-ce pas, d'après leur propagande qu'ils font eux-mêmes. Oui. Le plus grand journal de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il a les meilleurs journalistes et il a des plus grands experts qui ont une expérience déontologique et pédagogique supérieure à celle d'Afrique Média et de tous les journaux africains. C'est peut-être puisqu'ils entrent dans les palais comme ils veulent. Voilà. Bon, donc, on suppose que la crème de l'expertise s'est assise comme d'habitude, pour faire la conférence de rédaction et décider de la titraille et de la cohérence qu'il y aura entre le titre et l'article en question. Voilà le titre. Enquête sur les mercenaires de Poutine. Non, le monde entier. C'est pas nous qui avons écrit. Regardez l'intérieur. L'intérieur. Dans les coulisses du soft power russe. Est-ce que le soft power, c'est du mercenariat? Point d'interrogation. Non, je vous pose la question. Ah, est-ce que fait rire quand non, on dit je ça. Vous demande, le soft power, c'est du mercenariat? L'idée du soft power est une invention britannique qui a partagé ça à la France aux États-Unis. Le soft power, c'est l'influence. C'est-à-dire, au lieu de l'obliger quelqu'un à faire quelque chose par la force, on le lui fait faire par l'influence spirituelle, par l'influence morale qu'on exerce sur lui. Ce n'est pas le mercenariat. Un mercenaire, c'est un, si on prend le jargon militaire, c'est un soldat ou quelqu'un qui travaille pour une armée, ou un soldat qu'on déguise, n'est-ce pas, qu'on met à l'écart des circuits officiels de l'armée pour aller faire des opérations qu'on ne peut pas assumer en plein jour. Alors moi, je pose la question. Où est le rapport entre le mercenariat et le soft power? Non, moi, je vous dis, c'est-à-dire, quand des gens sont dans la poubelle, ils pensent que ils sont tellement fous qu'ils pensent que les gens ne vont pas voir ce qu'ils font. Mais je commence par là. Allez, regardez. Un titre regardez la cohérence. Très bien. Instrumentalisateur. instrumentalisateur qui n'a aucun rapport avec le dossier que vous voyez. Je vous ai dit, quand vous lisez le dossier qu'ils ont fait, en réalité, ils veulent amener celui qui lit à attaquer Afrique Média, à décider que Afrique Média. Ils disent ce sont des insinuations. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est subliminal. Mm-hmm. C'est une manipulation subliminale. Eux-mêmes ne s'engagent pas. Mm-hmm. Quand vous lisez le dossier. Ça gage pas. Ils disent que, on dit que, et on a dit que. C'est-à-dire dans le soft power. Dans l'article. Il n'affirme rien. C'est-à-dire qu'il faut lire l'article. Hein. Il n'y a aucune affirmation pour dire que nous avons enquêté, nous pouvons dire que la Russie finance Afrique Média. Nous avons enquêté, on peut dire que c'est la Russie qui est derrière tout ce qu'Afrique Média fait. Il n'y a pas ça. on fait dire, et bien tout dit, on fait des insinuations, on inspire, on amène de manière subliminale le lecteur, lui-même le fait, à lire et à dire que non. Afrique Média, ce sont les mercenaires. Pourquoi il y a cette prudence? Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien sous la main. Ils ne peuvent rien dire de bon. Donc, quand je fais cette démonstration au niveau de la cohérence entre la titraille et le contenu, mais ça continue à l'intérieur de l'article. Oui. À l'intérieur, bien tout dit, tout ce qu'on reproche à M. Evgeny Prigogine, qui est présenté comme un oligarque proche de Vladimir Poutine et patron de la nébuleuse Wagner, qui fait dans la sécurité privée, parlons comme ça, titre privé. Tout ce qu'on reproche à M. Bertoundi, supposons que c'est vrai. Supposons que c'est vrai. Hein? Supposons, c'est une hypothèse. Hein? Supposons que c'est vrai. Mais c'est exactement ce que la France fait. Avec votre permission, on prend rapidement des téléspectateurs qui se pointent déjà là, très nombreux. Monsieur Kofi, hein, vous regardez, c'est ce que la France fait. Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire, monsieur, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Monsieur Kofi est-il avec nous? Oui, bonjour, monsieur Hubert. Je dis bonjour à tout le monde. Oui, oui, je suis avec vous. Allô? Une voix lourde. Est-ce que vous contribuez, votre participation est attendue. Vous êtes à l'antenne. Bien voilà, en attendant que la réalisation ou la régie puisse résoudre cela. Alors, c'est, admettons que c'est vrai, oui. Ben, voilà. C'est ce que... Admettons que c'est vrai. Mais Bertoundi, comment pouvez-vous vous considérer que ce que vous faites est bien, participe de la norme, et que quelqu'un vous observe et voit que c'est bien, apprend, vous imite et fait mieux que vous. Vous devez me dire que non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ça, c'est mauvais. Mais j'ai seulement vu comment tu fais. J'ai dit que ce que tu fais est bien, parce que j'ai vu ce que ça t'a apporté. Oui. Moi aussi, j'ai étudié ça. J'ai commencé à faire comme toi. Sauf que maintenant, je te dépasse. C'est ça le problème. Eh bien, tout dit. Tout ce qu'on reproche, mercenariat. OK. Donc, le mercenariat est donc mauvais. Si le mercenariat est mauvais, comme ces journalistes de bas niveau, tellement corrompus qu'ils ont perdu la lucidité déontologique, et la cohérence de l'écriture journalistique, oui. Parce qu'ils sont corrompus, M. Bertoundi, je pèse mes mots. Si le mercenariat doit être mauvais, comme on veut l'insinuer, monsieur le voyou qui était arrêté en Centrafrique, il est quoi? Juan Guignolo. Guignolo est quoi? C'est un prêtre? Il est quoi alors? C'est un philanthrope alors? Si le mercenariat est méchant, oui. Est mauvais, Bob Lena était quoi? Bob Lena était quoi? Tous ces Français qu'on a, pour parler seulement le cas de la France, parce que la France n'est pas la seule, il faut être honnête, l'Angleterre, les États-Unis, c'est leur travail. Donc l'Occident, le collectif qu'on appelle l'Occident, est un collectif criminel. Je les appelle des criminocraties. Le concept de criminocratie, mon cher Bertoundi, s'imposera dans le changement politique. Les gens font semblant de vouloir ignorer, ça va s'imposer, parce que c'est ce qui est l'essence même de ces gens. Les criminocraties, c'est-à-dire des systèmes politiques qui ont pour essence la pratique du crime élevée au niveau d'une pratique politique, économique, sociale, culturelle, la plus élaborée. C'est ça la criminocratie. Alors, j'ai même dit, ok, ce sont les démocraties, donc criminocratie démocratique, c'est encore plus grave. Qu'on soit une criminocratie et en même temps une démocratie, ça démontre ce qu'on appelle démocratie. Donc, je suis en train de vous dire que on estime que le mercenariat est mauvais. Quand c'est Poutine qui est supposé le faire. Mais quand c'est la France qui le fait, on appelle ça quoi? La coopération? Les bases militaires françaises en Afrique ont quelle base légale? Quand on impose à des présidents, à des États, de signer des accords sous des pluies de bombes, Quand on arrête un président après avoir tué les patriotes d'un pays, on attrape un kidam, on lui met l'arme et on dit tu seras président demain. Si ça, avant que le pays soit indépendant, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi, bientôt dit? Et Afrique Média se situe dans le champ de la dénonciation de la déconstruction de. Déconstruction, dénonciation, mise en lumière de ce qui est secret, ce qui était caché. Nous, on sort ça, on met en lumière. C'est bien retenu. On met en lumière. Et je suis tenté de vous dire que quand j'en parle avec fierté. Parlez-en avec fierté, bientôt dit. Parce que quand Afrique Média déclare son combat, toute la galaxie, toute la puissance géopolitique, géomilitaire occidentale nous regarde de haut. Oui. Nous avons mis à terre. Et ils vont parler d'aboyeurs. Non, c'est terminé ça. On les a mis à terre. Parce que les débats que nous avons imposés, on a ignoré. Mais après, ça s'est imposé à tout le monde. Le franc s'est failli à terre, c'est grâce à quoi? Les pays sont de plus en plus protégés contre les manœuvres qui est reçues. C'est comme l'eau coule sur une roche. C'est grâce à quoi? Pourquoi la France n'est plus audible en Afrique? Pourquoi l'Occident n'est plus audible sur le continent? C'est grâce à quoi? La réplique est là. Ouais. La riposte est là. Comme on dit, il y a garçon en face. Garçon en face s'est construit autour d'une dynamique géomédiatique à portée géopolitique. C'est pas retourné. Et c'est ça, sans tirer un coup de fusil, qui a mis ces gens à terre. Ouais. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de vous dans ce chiffon-là, n'est-ce pas? Avec respect. On n'ose plus affirmer certaines choses parce qu'on sait qu'il y aura la riposte. C'est pas retourné. Parce que quand vous lisez l'article, il n'y a rien. Que j'invite les gens de lire. De lire, tout à fait. On va leur faire un peu de publicité. J'invite les gens, lisez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh oui, tel Louis Michel, c'est lui qui a amené, qui a servi d'intermédiaire. Au président directeur général, Justin Tagou. Aucune preuve. et même au cas où ce serait vrai, supposons que c'est vrai, où est le crime? Qui a servi d'intermédiaire entre la France et la Russie pour créer Russia Today à Paris. Qui a servi d'intermédiaire? C'est tout Louis Michel? Je pose la question. Vous voyez, au cœur de Paris. Mais au cœur de Paris. C'est-à-dire que qui a servi d'intermédiaire entre les plénipotentiaires français qui tous les jours, n'est-ce pas, parlent avec les plénipotentiaires russes, monsieur Berretoudi. Ils ne font pas de réunions ensemble tous les jours. Suffit-il donc de voir un plénipotentiaire russe assis avec un plénipotentiaire français pour suggérer que non, ils sont en train de faire un complot pour aller faire un coup d'État, pour aller tuer quelqu'un? Mais quand les gens sont dépassés, quand les gens sont rendus bêtes par la routine et la corruption, M. Bertrand dit, ils n'ont plus de juge. Ils n'ont plus d'inventivité intellectuelle. Ils sont corrompus, simplement, c'est bien tout dit. On ne réfléchit plus. On ne voit pas que les contextes ont changé. Tellement, on est bête, on est épuisé, qu'on est capable de s'adapter. Jeune Afrique continue à écrire comme si les Africains étaient au début du 19e siècle. C'est bien tout dit. Jeune Afrique continue à servir aux Africains des articles frélatés qui relèvent du début du 20e siècle, quand les Africains n'existaient pas sur le plan géopolitique. Jeune Afrique est incapable de s'adapter, de faire son aggiornamento pour parler aux Africains. Mais pourquoi? Corruption, incompétence, faiblesse journalistique, faiblesse d'écriture, M. Beretoun dit. Pourquoi? Parce qu'on sort le même article sur le frigo, on prend 300 millions ici, on prend 500 millions ici, parce qu'on vend le label Jeune Afrique. Et comme certaines élites africaines, certains palais présidentiels, sont encore sous la coupe de Paris, ne se sont pas émancipés. Voilà ce qui fait vivre ce journal encore. Et bien, on dit, le jour où les élites politiques africaines et intellectuels africains. C'est d'ailleurs ça le danger. Oui. Le jour où les intellectuels africains, entre guillemets, intellectuels pourris qui servent la bourgeoisie et qui pensent que faire une interview à Jeune Afrique veut dire que tu es arrivé quelque part à un certain niveau. Vous savez de qui je parle. Toute cette crème intellectuelle, entre guillemets, et universitaire pourrie dans la France-Afrique qui vivent grâce aux subventions de la criminalité internationale, cherchent toujours à voir une page à Jeune Afrique, qu'on les filme. Et quand et ils envoient ça partout, je suis un grand. Mais on n'est pas grand quand on sort à Jeune Afrique. On prend un téléspectateur. Okay. Afrique Média, le monde, c'est nous.